Par ici, c'est par ici. Non mais on est déjà passé par ici. Pourquoi on prendrait pas un plan? Mais pourquoi surtout on ne se promène pas en chose à porteur? Non mais c'est joli ici, c'est... bon c'est pas la Mostra non plus mais bon. Bon les gars, il nous reste plus que 6 heures pour trouver le stand de France Inter. On est foutus. Oh là là. Silence. Si regarde, c'est là. Mais non, ça c'est le stand de Radio Courtoisie. Bon mais on s'en fiche, on fait l'émission ici, c'est une radio mais aussi. Mais non mais c'est Radio Courtoisie. Ben on est courtois, alors il y a pas de... Ah l'amour courtois. Non non mais c'est une radio d'extrême droite, vous êtes dingue. Non mais pourquoi on n'est pas allé au festival de Cannes? Ou au salon de l'érotisme, on aurait pu aller. Ou alors à Provins, aux fêtes médiévales. Ah, c'est quoi ça? Bah, c'est un genre de festival de Cannes pour les rétrogrades. Oh, comme mais Clara. Tais-toi, gueux. Est-ce qu'il y a un festival de l'érotisme médiéval? Oh, oui, oui, ça existe. T'achètes que des ceintures de chasteté. Non, mais arrière, Maro, puceau. On est perdu, on est perdu. Non, je propose qu'on prenne tout droit l'allée Marc Lévy. Oui, oui, je la vois là. C'est là où il y a beaucoup de monde et on se demande bien pourquoi d'ailleurs. Ouais, ouais. Après, on tourne à droite au carrefour Éric Zemmour. Oui, à droite au carrefour Éric Zemmour, c'est logique. Non, moi j'en peux plus là. Albin Michel, on est passé 3 fois devant. Flammarion aussi. Moi je voudrais trouver le stand des Républicains. Mais il n'y a pas de stand des Républicains. Enfin. C'est con, ils ont tous sorti un livre, c'était peut-être l'occasion de le vendre. Bon, ben, c'est pas grave, on a fait quand même une bonne balade, non, non. J'aime les balades des troubadours. Oh. Clara, moi je pense que dans 5 minutes, on peut se considérer comme définitivement perdu et donc... N'y pense même pas. Non mais là, j'aurais pas cru dire ça un jour, mais je crois qu'il ne reste plus qu'à prier. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour la France Inter, bonjour à la grande foire du livre qu'on ne sait plus comment qu'elle s'appelle. Vous écoutez l'émission qui feuillette l'actualité. Voici les 3 informations qu'on va lire en diagonale, voire de travers, jusqu'à 18h. La médecine rebelle, ce sont ces 130 médecins et biologistes qui déclarent avoir bravé la loi pour aider les couples homo à avoir un enfant. Ils forcent la porte du débat sur la PMA. Oh là là, c'est la décadence, hein. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Hein. Nous sommes au Salon du Livre, qui pour faire encore plus chic a été rebaptisé Livre Paris, alors qu'en réalité c'est une grosse foire où on caresse le cul des livres. Approchez mesdames, approchez mesdemoiselles, approchez messieurs, resserrez-vous, venez découvrir la nouvelle invention des usines Juste et J'amuse. Pendant que le monde pète de partout, on se réfugie dans les chatons Angora, les gâteaux aussi colorés que sucrés et la guimauve télé. L'hebdomadaire Marianne appelle ça la tyrannie du gnangnan. Certains y sont presque trop sensibles. Qu'est-ce qui ne va pas, mon gros canard? Colette, je t'ai déjà demandé de ne pas m'appeler par des noms d'animaux, voilà. Mais pourquoi? C'est gentil, mon gros canard. Et moi, je suis accompagnée de celui qui apparaît dans le répertoire téléphonique des filles sous mon gros lapin. C'est Alex Vizorek. Et je ne sais pas pourquoi. Bonjour, Charlie Donnenacker. Et bonjour au public. Oh là là, vous êtes des malades. Et aujourd'hui, autour de la table à 17h20, c'est un réalisateur, mais parfois un bon réalisateur peut faire un bon écrivain. Et parfois c'est tout l'inverse, parce que parfois Bernard-Henri Lévy décide de tourner un film. Bonjour Thomas Bidguin. Mais bonjour Alex. De quoi on va parler? On va parler d'adaptation. Eh ben ça tombe. Et on va s'adapter. Et à 17h30, celui qui est très différent d'un livre, parce que lui, tant que vous ne lui donnerez pas la réponse qui convient, il ne tournera pas la page, c'est Guillaume Meurice. C'est vrai, bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi je me suis évidemment baladé ce matin dans les allées du salon, j'ai rencontré des libraires qui étaient venus pourquoi? Je pense qu'on va essayer de vendre des livres. Excellente idée, vendre des livres au salon du livre. Et à 17h40, quand je la vois, j'aimerais être un livre de poche, car elle m'emmènerait partout avec elle et me glisserait sensuellement dans la poche arrière de son jean bleu marine, mais non. Elle me considère comme un bon Guillaume Musso, elle me laisse sur le coin de son bureau sans même me toucher. Bonjour Clara Dupont-Meneau. Bonjour Alex. Voilà. Vous êtes tous témoins. De quoi on va parler? Je suis comprise. Voilà, de quoi on va parler? Des oubliés de l'histoire. Très bien, il y a 17h55, il est bâti comme un signet. Mais ce qu'il chante, c'est du lourd. Vous aurez un live de Frédéric Fromet. Ouh, et si tu écoutes, J'annule tout est présent dans un monde virtuel sur Facebook et Twitter. Donc n'hésitez pas à tweeter, poster vos photos du salon, de la foire, de la fête du livre. Le référent de la République qui préside cette émission a créé Chienne de garde en 99 quand un gars, une fille apparaît sur les écrans. C'était le début de la parité. Vous écrivez pour Ciné Hebdo à partir de 2010. C'est l'année où les Bleus tentent de remporter la Coupe du Monde sans descendre du bus. Et vous publiez L'exil et mon pays en 2006 quand les jeunes descendent dans la rue contre le CPE. Et vous, vous êtes, you are... Isabelle Alonso. Oui. Ah, c'est bon. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Hola, ¿qué tal, Isabel Hola, Alonso? Muy bien. Muy bien. Bon, hablamos de la révolution. Si. On va parler révolution avec votre dernier ouvrage, Je mourrai une autre fois, édition Héloïse d'Ormesson. Un livre, je le montre, aux couleurs de la Seconde République espagnole, si je ne me trompe. Absolument. Ah. Absolument. Je mourrai une autre fois, c'est préfacé par Jean-Pierre Chevènement ou c'est Isabel Alonso, l'histoire de votre père, Angel. Ils s'appellent tous Angel de toute façon dans la famille, non c'est Dans la famille, ils s'appellent tous Angel. C'est une habitude espagnole de donner au premier garçon de la famille le nom de son père et ainsi de suite jusqu'aux Australopithèques, j'imagine. Et donc là, c'est une tribu de Angel qui sont d'autant plus paradoxaux que ça veut dire ange et qui sont pas catholiques. Mais on n'est pas une contradiction près de toute façon. C'est vrai. Ça se passe dans l'Espagne des années 30 et Angel décide d'aller botter le cul des fachos. Les fachas, c'est ça? C'est-à-dire qu'on, tout le monde connaît, je pense, tout le monde a entendu parler de la guerre d'Espagne, mais je crois qu'en France, on sait pas trop ce qui s'est passé avant et pourquoi donc cette guerre est arrivée. Et ce qui s'est passé avant la guerre d'Espagne, c'est la Seconde République espagnole, c'est-à-dire une trêve de 5 ans où on a cru que ça allait être possible de changer le monde, de faire de l'Espagne une démocratie. Et justement, en passant de la monarchie à la République, mais par les urnes, pas par les armes. Exactement. Le 14 avril 1931, en Espagne, on passe de la monarchie à la République sans tirer un coup de feu, sans une violence, par les urnes. Mais évidemment, l'armée et l'Église veillent et ils auront 5 ans pendant lesquels ils essayeront de changer les choses et puis après, c'est la guerre. Ça ne s'appelait pas Clara Dupont-Moneau, hein, qui préfère la monarchie, elle est à côté de moi, je la sens toute stressée. Non, cette monarchie-là, elle n'aimerait pas Clara. Clara Dupont-Moneau. Est-ce que vous diriez que c'est l'histoire d'une désillusion? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, d'une grande désillusion. Mais l'illusion est restée vive pendant des décennies plus tard et c'est... Voilà, c'est une guerre qui a été perdue et quand on perd une guerre, on a envie de la raconter, de ramener à la lumière ce qui a été caché. Et alors, votre père, c'est écrit la première personne, vous êtes dans la tête de votre papa. Oui. C'est à 15 ans qu'il décide de s'engager pour défendre la République. Cet engagement adolescent, c'est très tôt. C'est très tôt. D'ailleurs, il ment sur son âge puisque la République à ce moment-là est quasiment perdue. Nous sommes en 1938, la guerre a 2 ans et les républicains sont en train de perdre la guerre. Il y a eu tellement de morts qu'on finit par appeler sous les drapeaux les jeunes de 18 ans qui seront appelés d'ailleurs les classes biberon, Quinta del Biberon. Et mon père, à ce moment-là, a 15 ans, et à 15 ans, il ment sur son âge, il donne aussi une fausse identité, et il s'enrôle parce qu'il estime qu'il est de son devoir d'aller faire ce qu'il peut pour sauver la République. Il n'y arrivera pas. Il se définit pas comme anarchiste, il se définit comme républicain, ouais. Voire juste défenseur de la République. À la rigueur, il se définit même par son identité, son surnom, Gafas les lunettes, parce que c'est un peu l'intello du groupe, finalement. Oui, c'est un pays, l'Espagne, dans les années 30, est un pays où la majorité de la population est totalement analphabète. Alors déjà, les gens qui savent lire font office d'un peu de curiosité minoritaire. Mais alors en plus, quand ils ont des lunettes, alors là, c'est le total exotisme, au point que son surnom, c'est Lunettes, en espagnol, Gafas. Gafas. Et c'est un roman donc à la première personne. Vous êtes dans la tête de votre papa après avoir parlé des heures avec lui à dessein, c'est-à-dire sachant que vous alliez écrire ce roman. Oui, je l'ai passé à la question, je l'ai fait parler, je l'ai fait écrire. Après, voilà, j'ai recueilli ce qu'il avait à me dire. Il y a des choses qu'il ne m'a pas dites, j'étais obligé d'inventer un petit peu. La part de fiction dans « Je mourrai une autre fois », Isabelle Alonso, édition Héloïse d'Ormesson. Isabelle Alonso est avec nous jusqu'à 18h. Et nous sommes au salon du livre qui s'appelle « Livre Paris ». Vous êtes sur France Inter, il y a toute l'équipe, il y a Clara Dupont-Moneau, Guillaume Meurice, Thomas Bideguin, Alex Vizorek, bien sûr, notre invité Isabel Alonso. On va parler d'infos essentielles ensuite, de chroniques essentielles, juste après YouTube. Yeah. I want to be with you, be with you night and day. YouTube. C'est pas YouTube, c'est YouTube. Alors, à la fête de la foire du Salon du Livre. Ça envoie YouTube au Salon du Livre, Isabelle Alonso. Hein. Les fous, on ne les voit pas, mais ils sont, ah, ouais, mais ils sont les debout gens sur sont les chaises. Déglingos, ah, non, non, non, mais calmez-vous un peu. Mais ça a même ébouriffé Marc Lévy, c'est terrible. vous êtes sur France Inter, vous pouvez suivre Annule Tout sur franceinter.fr en streaming. Et oui, ou en string, hein, comme vous voulez, ou les deux. ou les deux. En direct. Et puis, on est avec Isabelle Alonso, qui publie Je mourrai une autre fois aux éditions d'Héloïse d'Ormesson. Et autour de cette table, et Alex. Bien, Guillaume Meurice est sur la table des cancres avec Isabelle Alonso et moi-même, et nous avons la table intellectuelle avec Thomas Bideguin et Clara Dupont-Mono, bien évidemment. Non, des gens normaux. Voilà, oui. Des aristocrates. Des aristocrates. Ça. Qui, fait place... Qui fait place à une information normale. Deux points. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, aujourd'hui, c'est la journée du sommeil. Oui, bref, une journée comme les autres pour Michael Schumacher. Nicolas Sarkozy s'est adonné à une session de questions-réponses sur son compte Facebook avec ses fans. On lui a notamment demandé quel joueur du PSG il achèterait pour remplacer Zlatan. Il a répondu en 1 Messi, en 2 Neymar, en 3 Ronaldo. Liliane Bettencourt s'est étouffée, disant qu'elle n'avait pas les moyens pour ces gens-là. Et il y aura... Non, des brèves, ne le soutenez pas, les ne gens le soutenez sont pas. Comme des fous. Non, non, ne le soutenez pas. Politique, et on commence par Jean Lassalle. Oui, il a déclaré « La primaire, c'est pour les candidats stagiaires ». Il est donc candidat à l'élection présidentielle. Ouais, Jean Lassalle est candidat. Mais c'est vraiment la Champions League, cette présidentielle. Calmez-vous, calmez-vous. J'en peux plus. Est-ce qu'il a un argument fort? Oui, oui, oui, il rappelle, je cite « Pour l'instant, je n'ai pas encore perdu une seule élection dans laquelle je me suis lancé sur mon nom ». Ah bah ouais, mais si c'est un, si c'est un winner, bon... Ouais, c'est bon, quoi, ça va pas rater, quoi. Bah, ouais, mais vous êtes déçu d'un coup. Je suis un peu déçu par Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'il était quand même archi favori, jusqu'à la candidature de Jean Lassalle. Voilà, évidemment. Alors, passons à Jean-Christophe Lagarde. Ne me dites pas qu'il est candidat! Non, il a même été extrêmement lucide sur une chose. La question du destin de Jean-Christophe Lagarde n'a aucun intérêt. Ah oui, c'est vrai. La question du destin de Jean-Christophe Lagarde n'a aucun intérêt. Les Français s'en fichent. Alors donc, quand les politiciens disent des choses pertinentes, il faut aussi en parler. Commémoration de la guerre d'Algérie. Marine Le Pen attaque François Hollande sur la commémoration qui violerait la mémoire des anciens combattants. Oui, et la raison, ce serait qu'on puisse oublier l'héroïsme de son père pendant cette guerre d'Algérie. États-Unis à présent, l'eau de 6 millions d'Américains est contaminée au plomb. Oui, pas de bol pour les Noirs qui ont eu la chance d'échapper au plomb des policiers. Paf, c'est dans l'eau maintenant. Sport à présent, après sa suspension pour dopage mécanique, parce qu'on avait retrouvé un moteur dans son vélo, Femke Van Den Driesch arrête le cyclocross. Oui, elle se lance comme taximoto. Ah, oui, c'est l'heure de la pub. Oui, Radio France. Commerciale. Isabelle Alonso, Radio France va repasser à la publicité commerciale. Ah, oui. Et par facilité, eh bien, toutes les pubs seront interprétées par Laspalès et Chevalier, bien sûr. Allez, publicité. Mais dis donc, qu'est-ce que tu bois? C'est de l'Orangina. Ah, ça a l'air bon. Mais prends-en un d'Orangina. J'en prends un, je l'ouvre. Attention! Quoi? Orangina, il faut secouer, sinon la pulpe, elle reste en bas. Merci. Oui, rappelons que toutes les publicités sont donc écrites par les équipes de Radio France avec l'aimable autorisation de la Matmut. dont on va perdre la publicité sous peu. People à présent. Une relation aurait existé entre Marlon Brando et James Dean. Oui, une nouvelle biographie fait surgir une passion toxique basée sur des jeux sadomasochistes. On peut le lire sur le site de Voici. En France, on n'a pas d'équivalent. Ben, quand même, je pense qu'il faut imaginer Bourville attaché à un radiateur avec deux funesses qui lui met des coups de cravache et vous avez à peu près l'image. Et on termine par une brève, Alex. Oui, Besançon, à 91 ans, elle obtient la mention très honorable pour sa thèse. 30 ans après avoir commencé sa thèse de géographie, Colette Bourlier vient de la soutenir à 91 ans. Voilà, et voilà un nouveau jeune sur le marché de l'emploi. À Frédéric Fromet qui nous a aidé à écrire toute cette semaine et que vous allez retrouver tout à l'heure, évidemment. Vous êtes sur France Inter. Si tu écoutes, j'annule tout. C'est Isabelle Alonso qui a tout annulé. Hop, on vous accompagne jusqu'à 18h. Premier sujet avec vous, Isabelle. 130 médecins et biologistes emmenés par le professeur René Friedman, qui est à l'origine du premier bébé éprouvette. Ils se sont tous mis hors la loi pour une cause, aider les couples homosexuels à avoir des enfants et dénoncer les incohérences de la politique d'aide à la procréation en France. La PMA est pour l'instant réservée aux couples hétéro-infertiles. Michael, tu as une maman. Bon, Mais tu as aussi un papa. Et ce papa, c'est je peux pas. Michael, c'est, écoute, regarde-moi. C'est over simple en fait. C'est que, comment dire, lui par rapport à toi, tu sais qui c'est? Ben non, non, pas en douceur. Voilà. Mais non, en douceur. J'allais dire en douceur. À la dodo. Laissez-moi faire parce que la communication, ça me connaît. Alors, vas-y. Écoute, Michael, ta mère, elle t'a déjà parlé de ton père? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit sur lui? Elle m'a dit qu'il était très grand, très beau et très riche. C'est pas gagné. Hein. C'était Alex Vizorek alors. Oui, je salue. Hein, Les Trois Frères, le film des inconnus. Donc 130 médecins et biologistes qui ont déclaré eux-mêmes dans Le Monde qu'ils s'étaient mis hors la loi au sujet de cette cause. Alors vous déjà, Isabelle Alonzon, on peut peut-être rappeler quelle est votre position sur la PMA et sur ce dossier-là, à vous? Ben, ma position à moi, je vais vous dire, ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'il y ait certaines femmes qu'on traite d'une manière et d'autres d'une autre manière. Donc de ce point de vue-là, il faut harmoniser la totalité du truc. Et je trouve ça très bien. Maintenant, moi, la question que je me pose toujours, et en ceci, je me sens très minoritaire dans le monde d'aujourd'hui, c'est le désir d'enfant. Oui. Je trouve que c'est toujours un peu étrange que ça soit une sorte de parcours obligé, comme un genre de curriculum où il faudrait remplir toutes les cases, il faut absolument faire des enfants. Mais il faut se laisser aller tranquillou, il y a des gens qui n'en font pas, des enfants, genre moi, et ça va très bien, il y a les enfants des autres qu'on peut rendre à leurs parents, et puis voilà, on peut adopter une vie qu'on peut adopter, évidemment. Moi, j'essaye de raisonner globalement sur la planète aujourd'hui. Il y a plutôt beaucoup trop d'enfants par rapport à l'attention qu'on leur porte. Alors, je serais plutôt pour répartir les choses différemment. Mais les femmes qui ont vraiment ce désir et désir de le porter. Mais moi, je trouve ça très bien, quoique c'est une tannée, hein. C'est un truc super dur. Moi, ça me laisse toujours un petit peu interrogative. Vous déconseillez les enfants, donc, oui, de manière générale? Non, je déconseille pas vraiment les enfants, mais je dis, on peut faire sans et on peut s'occuper des enfants des autres. Et voilà, par rapport au Labrador, votre position, c'est oui, c'est non, c'est... Par rapport au Labrador, il y a des noirs, il y a des blancs, il n'y a pas de mixte. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. La PMA pour les Labradors. Alors, le débat sur la PMA est donc relancé, mais d'une manière particulière, Isabelle Alonzo, et j'imagine que ça, c'est aussi un aspect de cette actualité qui vous parle, c'est que ça se fait par la désobéissance du corps médical qui vient dire « nous sommes hors la loi ». C'est un levier particulier. Alors ça, j'adore. Ça rappelle évidemment le manifeste des 343 qui avait déclaré avoir avorté il y a des années et qui sont qu'à un moment donné, les citoyens prennent le pas sur les politiques puisque les politiques ne bougent pas et disent « eh bien moi, la loi, je n'hésite pas à l'enfreindre quand j'estime que c'est une question de justice et de traitement égal pour tout le monde ». Là, je trouve que c'est très bien, c'est courageux. Et puis surtout, il va falloir finir par le faire, quoi, parce que... Là, derrière un leader révolutionnaire qui est donc le professeur René Friedman. Donc à c'est un grand monsieur, René Friedman. Hein. Oui, oui. Alors, il y a un conservatisme français sur ce dossier de la PMA, quand on regarde en tout cas, au regard des autres pays européens, parfois plus qu'en Espagne d'ailleurs, sur plusieurs aspects, dont le mariage homo. Pourtant, l'Espagne, c'est un pays très catholique. Vous êtes bien placé pour nous parler de cette différence et de ce conservatisme. Charline, quelle manière absolument géniale et tellement professionnelle de revenir à la thématique de la République espagnole dans les années 30, puisqu'à cette époque-là, mais la ça ne serait pas l'objet de votre livre, ça de quel livre? Mais ah, mais oui, je pourrais une autre fois chez Eloïse d'Ormesson, n'empêche qu'à l'époque, la Constitution de la République espagnole institue la liberté de culte, institue le droit de vote des femmes en 31, les Françaises ne l'auront qu'en 44, et institue aussi la modernité qui fait que quand on regarde une réforme, et ben finalement, elle arrive plus vite en Espagne. Par exemple, le mariage homo est arrivé en Espagne bien avant d'arriver en France. Donc, on est un petit peu en avance en Espagne. Moi, tant qu'on ne me parle pas de mère porteuse, je ne dis rien. Pour le reste, je suis pour tout. Ah oui, tout c'est votre limite. Ça, c'est ma limite. La GPA. Ouais. Et justement, la PMA pourrait éviter... d'en arriver à la GPA. Tant mieux alors. En tout cas. Je vous renvoie donc pour la deuxième République espagnole et les années 30 au livre de Isabelle Alonzo, Je mourrai une autre fois, édition Héloïse d'Ormesson, puisque nous sommes en direct au Salon du Livre avec un public en furie qui n'attend qu'une chose, c'est l'arrivée de Thomas Bideguin. Vous voulez Thomas Bideguin ou pas? Ah bah ouais. Wouh. Allez, c'est parti. Eh oui. Parce que je viens à nouveau vous parler de storytelling. C'est mon rôle ici dans cette émission et là, c'est en public. N'est-ce pas? Ah, ça marche aussi. C'est génial. Je viens parler de toutes ces histoires qu'on essaye de nous vendre et je viens humblement vous en donner la formule avec un dessert et une boisson. Comme au stand Flammarion. Voilà, je voulais profiter de notre visite au Salon du Livre de la Porte de Versailles pour parler aujourd'hui de l'adaptation. Mais d'abord, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le Salon du Livre de la Porte de Versailles, je pense qu'il serait bon d'expliquer un peu. C'est quoi la Porte de Versailles ? Eh bien, ça ressemble un peu à Paris. C'est un peu comme Paris, mais en plus loin. Longtemps, c'était sur les cartes une simple zone blanche, mais maintenant, on peut y accéder facilement depuis la capitale grâce à EasyJet pour 29 euros. La Porte de Versailles est rattachée administrativement au 15e arrondissement, qui fut découvert il y a peu par Charles Michel, je crois. C'est d'ailleurs amusant de noter qu'en fait, au début, quand il est arrivé, il pensait qu'il avait découvert le 14e arrondissement. Mais après, quand il s'est aperçu qu'il n'y avait rien, il s'est dit non, c'est le 15e. Voilà, mais revenons au sujet du jour, l'adaptation. Enfin, est-ce que je vous ai dit que sous l'occupation, les soldats allemands avaient le droit de choisir entre le front russe et le 15e arrondissement. Et ça a donné la bataille de Stalingrad. Enfin, voilà. Adapter, c'est transposer sur un support différent une œuvre déjà existante. Alors, qui adapte ? On est en droit de se poser la question. La tête de Clara Dupont-Mono vaut la vidéo. Il va falloir une traduction pour Clara. Pourquoi il parle comme des deux R2 ? Qui adapte ? R2, D2. Ah, poursuivez, Thomas. Parce que vous me rendez nerveux, Clara. Ah, ça fait toujours cet effet-là. C'est normal. Au début. Alors, qui adapte ? Bon, je vais la reposer encore. Qui adapte ? Mais oui, qui adapte ? Eh bien, tout le monde. Ah. Eh oui, c'est pas compliqué. On prend un texte du MEDEF, par exemple, on l'adapte et ça devient une loi sur le travail. Ça, c'est pas très drôle, Non. Oui. C'est une blague à la gauche, par le coup. On voit bien que adapter, c'est trahir. La gauche, déjà, dans un premier temps. Oui, adapter, c'est trahir. Pour l'illustrer le plus simplement du monde, Patrick Bruel vient de sortir un album complet de reprises de Barbara. C'est son adaptation. Et c'est pas parce qu'on aime qu'on est forcément fidèle, me disait ma première femme. Ça sent le vécu. Eh bien, qu'en dire de cet album, si ce n'est que c'est déjà mieux qu'un album de reprises de Barbarin. Wow. Enfin, en même temps... Cet album-là donnerait un nouveau sens à la chanson « Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous » ou à « Quand la photo est bonne » ou à « Dis, quand reviendras-tu » qui serait un peu « À quel âge reviendras-tu » Mais c'est comme ça, les bonnes histoires sont rares et nous vivons une époque attachée à la forme où les supports se multiplient. L'adaptation permet ainsi de servir la même soupe mais dans une soupière différente, un peu comme ces plats qu'on dit meilleur réchauffé et qui, en fait, sont souvent juste pas assez cuits. Même les frères Bogdanov adaptent leur livre sur le Big Bang en pièces de théâtre. Ce qui est une bonne nouvelle pour la science, qui sait. Mais surtout, un acte militant courageux. Il n'y a pas que les couples hétérosexuels qui ont le droit d'adapter. Adapter est un droit. Adapter est un droit pour tous. On peut avoir la PMA, qui est la petite ou moyenne adaptation, ou la GPA, la grande putain d'adaptation, mais ça doit être un droit pour tous. Voilà. C'est le cas visiblement aux États-Unis, où NBC, la chaîne, vient d'annoncer le tournage de Roméo et Juliette 2. Ce qui prouve, entre autres choses, qu'ils n'ont pas lu le 1 jusqu'à la fin. Parce que c'est ça le drame. Ici, en tout cas, au Salon du Livre, les gens n'ont plus le temps de lire. De lire. Oh, c'est beau. Non, voilà. On me dit qu'on ne vend plus de livres. On me dit que le business est mort. Je ne sais pas si c'est vrai. Vous avez vu comment les gens sont sapés au stand Robert Laffont ? Ben, ça va. Ça permet encore de faire les courses. Enfin, voilà. Les gens préfèrent attendre que les livres sortent en feuilleton, en téléfilm ou en web-série ou je ne sais quoi encore. Ou même au cinéma, dont les écrans, du coup, se retrouvent encombrés par toutes les 50 nuances de Grey, les Belles et Sébastien, les profs, les Boules et Bill. Donc, voilà, pour conclure, mon message de la part du cinéma au Salon du Livre, c'est le suivant. On n'est pas votre poubelle, les mecs. Et ça valait bien mes 29 euros pour arriver jusqu'à la Porte de Versailles. Bravo Thomas Bideguin, merci Thomas, en direct du Salon du Livre sur France Inter et aussi sur franceinter.fr en streaming. à la préparation de l'émission, Nathalie Romero, Sarah Masson avec la collaboration de Tiana Salès, Benjamin Riquet à la réalisation, toutes les équipes de France Inter sont sur le pont, il y a du monde, il y a du monde dans le public, c'est beau, c'est magnifique. On est ensemble avec Isabelle Alonso jusqu'à 18h. White as Boy on the Beach. Vous êtes sur France Inter au salon du livre, au book salon. Salon du book, du livre. Le living room. The living room book. Yes, it's a fiesta. Le livre Paris. Je ne sais plus comment il s'appelle. Livre Paris. Livre merci. Paris au Bosch, il devait l'appeler au début. Et en fait, c'est juste Livre Paris, mais c'est bien. C'est bon. Le point Godwin est atteint. C'est bon. 17h. Je viens de comprendre. Livre Paris, c'est vrai que. Pour expliquer à Clara, parce que c'est important. Livre Paris, c'est Livré Paris. Bon, bref, Isabelle Alonso est avec nous. Je mourrai une autre fois. Édition Héloïse d'Ormesson. Isabelle Alonso, je rappelle qu'à 18h, vous signez au stand Pocket. Absolument. Hein, hop, on va y aller. Soyez nombreux, venez maintenir l'ambiance. Et les coulisses de tout ça, c'est par exemple du Guillaume Meurice. Ah, oui. Par exemple, oui. Au hasard. Allez, hop. Évidemment, parce que je me suis baladé ce matin dans le salon, hein, et c'est vraiment étonnant. En fait, le salon du livre, c'est comme le salon de l'auto, sauf que les bagnoles sont remplacées par des bouquins et les hôtesses à moitié à poil par des gros libraires à collier de barbe qui fument la pipe. La masturbation est donc strictement intellectuelle. On y croise énormément d'auteurs brillants, mais aussi Clara Dupont-Monod. J'ai croisé d'autres auteurs. Il y a par exemple Pierre-Louis Villard, hein, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vous avez les questions, j'ai les réponses hein, ». C'est le titre de son livre. Ah, et oui. Ça, c'est toujours intéressant, hein, les gens qui ont les réponses. Ouais. Il répond à toutes les questions que vous vous posez. Combien de pages fait le livre ? Sauve la main-d'œuvre française. Déjà, on renfloue les caisses de l'État. Complètement. En une seule mesure. C'est pas le son. Hein. C'est pas le son de Pierre-Louis qui, qui lui clairement ne renfloue pas les caisses de l'État du tout. Mais oui, alors ça, avec son bouquin. Quoi, c'est le dispositif du Livre Paris qui est un petit peu lourd pour la technique. Mais c'est pas facile, faut le dire, c'est une grosse installation. Je vais vous dire, à la tête du réalisateur, on n'est pas prêt. On n'est pas bien. Oui. Ce n'est donc absolument pas le salon de la radio, hein. On est bien d'accord avec ça. Ni le salon du technicien de France Inter. Bon, pendant ce temps, on boit un coup, dans ces cas-là, applaudissez, mais voilà, mais bien sûr. Mais bien sûr, là, on demande à l'équipe, on demande au public de nous soutenir. Oh, mais en même temps, c'était la chronique de Guillaume Meurice, c'est pas si grave. Est-ce que ça plairait aux techniciens qu'on inverse les chroniques et qu'on mette Clara Dupont-Mono, par exemple, maintenant? Ah, mais c'est une bonne idée. Non, il a l'air de dire que comme ça, les gens vont pouvoir aller pisser pendant la chronique de Clara. Si on faisait du Clara Dupont-Mono, et comme ça, on règle le souci technique. C'est le live. Vous savez quoi, le mec qui a les solutions, en fait, c'est Alex Vizorek. Demandez-moi. C'est du sabotage. Allez, Clara Dupont-Mono. Je me perds terre parce que je dérange, c'est tout. C'est ça. C'est de la censure, monsieur. Allez, Clara Dupont-Mono, oui, sauvez votre camarade. Non, je ne sauve pas Guillaume Meurice, non, pas du tout. Mais je dis bonsoir à tous et à notre public qui est avec nous. Et l'actualité, mesdames et messieurs, ce sont les figurants de l'histoire. Alors, vous savez, ce sont ces ombres que la chronologie officielle n'a pas retenues et il n'y a aucune chance pour que vous en ayez appris l'existence de l'un durant vos livres d'histoire. Par exemple, le héros de votre livre, Isabelle Alonso, ce petit, je ne vais pas le dire avec l'accent, je vais le dire avec l'accent américain, Angel, comment on dit en espagnol? En fait, dans le livre, on dit Jelin. Voilà, c'est G-E-L-I-N, Jelin. Et bien lui, il a grandi dans une famille madrilène, alors athée, républicaine, j'ai envie de dire presque normale, mais une famille pas célèbre du tout. Et ensuite, il sera soldat anonyme, parmi les autres anonymes, mais sans eux, l'histoire ne se fait pas. Eh bien, Isabelle Alonso, apprenez que votre Jelin, il n'est pas tout seul. Il a plein de copains. Ses copains, ils sont réunis dans ce livre-là qui s'appelle « Le coiffeur de Marie-Antoinette et autres oubliés de l'histoire ». Et c'est signé Frédéric Richaud. C'est une galerie de portraits parmi tous les figurants de l'histoire. Alors par exemple, il prend le chauffeur du président Kennedy. 22 novembre 1963, il y a une première détonation. Et durant la fraction de seconde où il aurait fallu accélérer, ce chauffeur se retourne vers le président et du coup, la seconde détonation fait exploser le crâne du président. Résultat, le monde entier a reproché à ce pauvre chauffeur de ne pas avoir accéléré. Et de la même façon, nous rappelle Richaud, on va reprocher au chauffeur de Lady Di de s'être encastré dans un pylône. Forcément. Ou alors au marin du Titanic de ne pas avoir prévenu assez tôt. Ça, ce sont les figurants malheureux de l'histoire. Alors parfois, c'est quelques instants qui font basculer le cours des choses. Et bien, ces instants, ils peuvent être sexuels. Alex, nous sommes au Salon du Livre, il y a plein de dictionnaires, et vous pourrez regarder le sens de ce mot. Là, partout, il y en a des dictionnaires. Par exemple, prenez Cato la Borgnesse. Ah, mais qui est Cato la Borgnesse? Je vous entends implorer une explication, vous allez la voir. Mais c'est qui? Voilà. Allez, implorer. C'est la femme de chambre de la reine Anne d'Autriche. Alors, elle est laide, elle est borgne, elle est bossue, et pourtant, elle collectionne les amants. Visiblement, elle est assez peu regardante. À mon avis, elle aurait même pris Guillaume Meurice, c'est vous dire si elle faisait dans l'humanitaire. En tout cas, c'est elle que la reine demande pour dépuceler son fils Louis XIV. Et ben voilà, il a 15 ans, et si c'est le temps béni où vous savez, on payait des femmes pour dépucer les hommes. Je vous ferai un dessin, Alex. Ma mère a il payé, a 15 mais elle n'a pas voulu. Cato la Borgnesse en a 40, et c'est parti pour quelques secondes d'éternité. Et Louis XIV va tellement aimer cette éternité qu'il va en redemander, au point que le mari de Cato la Borgnesse va commencer à faire la gueule. Mais c'est grâce à cet empire des sens que Louis XIV ouvrira ses chakras au sexe opposé et deviendra le monarque que l'on connaît. Alors, attention, les femmes n'ont pas toujours le beau rôle, ça arrive. La femme de Socrate, complètement oubliée. Je vous dis femme de Socrate, vous ne voyez même pas qui est... Solange. Monique. Non, Xantippe. Elle s'appelle... Nicole. Monique. Elle s'appelait Xantippe. Eh bien, c'était une affreuse mégère. Et tout le monde à Athènes la redoutait. Et on l'entendait insulter Socrate. On l'entendait le battre. Et Frédéric Richaud écrit, on racontait même qu'un jour, elle lui avait vidé un pot de chambre sur la tête. Le pauvre homme ne dit rien. Et quand on demandait à Socrate, mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris d'épouser une femme pareille? Il répondait, pour m'exercer à la patience. C'est beau. Belle phrase quand même. Alors, soyons honnêtes, les femmes peuvent aussi être victimes. Hein, je ne vous apprends rien, Isabelle Alonso. Mais qui j'ai rien dire. Elle est tendue, là. Elle m'a tapé la cuisse, c'est violent. Qui se souvient de la femme de Gauguin, une vaïnée rencontrée à Tahiti? Guylaine. Non. Elle a un nom un peu compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a 13 ans et que lui, il en a 44. Et voici comment il la demande en mariage. Tu n'as pas peur de moi? Non. Veux-tu toujours habiter ma case? Oui. Tu n'as jamais été malade? Non. Merci le glamour. que ça vous donne pas des idées, Alex. Mais... C'est efficace en tout cas. Bah oui, parce qu'il est. Et il a pas dit, tu le sais, que j'ai la ch'touille déjà. Il a dit, habiter ma case, qui habiter est une contrepétrie, je crois. Bon, n'écoutez pas. Restez avec moi, ami cultivé. Mais moyennant quoi, il l'épouse, il la fait poser sur 70 toiles, et en fait, il finit par la planter en 1901, et il s'en va pour les Marquises. Alors tout ça nous rappelle quand même deux choses. Un, ne sous-estimez jamais le figurant, car dans la littérature comme dans la vraie vie, l'accessoire, il est essentiel. Et deux, la littérature est une justice. Il n'y a pas de tribunal plus clément qu'elle. Elle s'occupe des engloutis, elle s'occupe des rayés et elle leur donne une voix, un nom, un rôle. Et je vous cite Isabelle Alonso, dont je mourrai une autre fois. Les mots, c'est beau, ça ne coûte rien et ça sert à tout. On a de l'or dans la bouche si on sait s'en servir. Je vous redonne les références du livre « Le coiffeur de Marie-Antoinette et autres oubliés de l'histoire » de Frédéric Richaud est paru au Cherche Midi. Merci Clara Dupont-Monod. Allez, on va passer au sujet numéro 2 avec notre invitée Isabelle Alonso. Nous sommes donc à Livre Paris, c'est le nouveau nom du Salon du Livre. Mais tout le monde s'en fout puisque tout le monde va continuer à dire Salon du Livre. Un mois après avoir viré la paille et les bestiaux, on pose les écrivains dans les stands et on vient tâter du bouquin. Bref, caresser le cul des livres, c'est une grande foire. Le commissaire Van Locke, l'homme de la série Van Locke, qui passe à la télévision, vous attend pour signer son livre. Dépêchez-vous. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Roger. Alors, Roger, amitié Van Locke. Non, merci. 90. En fait, je voudrais juste savoir où se trouve le stand Pierrette Bresse. Dans ton cul. Les Robins des Bois. Alors, Isabelle Alonso, vous qui allez signer à 18h, est-ce que ça se passe un petit peu comme ça? Les gens font la queue, ça doit être un échange avec le lecteur, c'est l'occasion de vous avoir là en face. Faut trouver un truc à écrire. Il y a de la narration de ces coulisses-là. Pour tout vous dire, il y en a beaucoup dont je fais partie qui écrivent un peu toujours la même chose. Une dédicace par livre. Les gens vont pas venir. Mais il se passe des trucs. Mais si, c'est quand même, je parle avec les gens. Mais ça dépend avec qui on est, les salons du livre. Une fois, j'étais à côté de Michel Drucker. Évidemment, c'était la foule. Et à un moment, il s'est absenté. Donc, il y a une dame qui est venue. Elle me dit, il est pas là, Michel? Non, il n'est pas là. Et, mais jamais vous avez indiqué les toilettes. Attendez, c'est embêtant. Je suis pressée. Vous pouvez pas me le signer, vous? Je lui dis, je ne suis pas Michel Drucker, et elle a dit, ouf. Donc, il y a un petit côté usine quand même, parfois, ou pas? Ah, complètement, bien sûr. Ouais, ça dépend des moments. Il y a eu aussi, j'ai aussi une expérience que j'ai bien aimée. C'était un jour dans un salon où il y avait beaucoup d'académiciens, des gens très, très sélects. Est arrivé à un moment une star de la télé-réalité qui venait de commettre un bouquin et qui s'est trouvée pile poil en face de moi. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu un entretien assez long avec toutes les fesses tous les postérieurs du salon, parce que tout le monde était tourné vers lui. Et quand on est assis face à des gens debout, j'étais face à des culs pendant une bonne heure, le temps qu'ils repartent. Voilà pour les coulisses du Livre Paris. Si Guillaume Meurice, oui, est au taquet, lui qui a passé la journée ici. On va voir. Hein. Merci Clara de m'avoir brillamment remplacé. Non, mais personne n'a vu la différence. Ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on s'est bien, fendu la gueule. Mais vous savez, on ne remplace pas Guillaume Meurice, hein, on lui succède. Non, mais ça me plaît que Clara soit ma remplaçante. Non, mais parce que ça la fait bien chier, ça m'amuse beaucoup. J'étais en train de vous parler d'un vrai écrivain. Hein. Clara, écoutez un petit peu, prenez une leçon. Il s'appelle donc Pierre-Louis Villard. Et il a donc écrit un livre qui s'appelle Vous avez les questions, j'ai les réponses. Donc il répond à toutes les questions que vous vous posez. Et moi, je lui ai demandé combien de pages faisait le livre. 70 environ. En 70 pages, vous répondez à toutes les questions? Ouais, mais on peut même le faire en moins. Ah bon? Oui, moi je peux le faire en 5 pages. Ah, vous pouvez répondre à toutes les questions en 5 pages? Ce que je dis là, ça peut s'écrire en 5 ou 10 pages. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait en 5 ou 10 pages? Parce que ça ne fait pas un bouquin. Eh oui, évidemment, hein, ce n'est pas le salon du prospectus, donc il a été obligé de rajouter des pages qui ne servent à rien. C'est important le volume. Hein. Même prospectus Dieu... Paris, attention. Oui, pardon, oui, c'est vrai, respectons les codes. Même Dieu, avec les 10 commandements, il aurait pu le marquer sur un post-it, mais il a préféré 2 tablettes, parce que c'est quand même plus classe. Et puisqu'on parle de Dieu, sont présents également sur le salon les témoins de Jéhovah, figurez-vous. Alors, comme ils nous font chier toute l'année en frappant à nos portes, j'ai envie de dire chacun son tour. J'y suis allé. Allez, il vendait un bouquin de science-fiction qui s'appelle La Bible, voilà. Hein, et le Salon du Livre, c'est aussi l'occasion de rencontrer les auteurs. Alors, où qu'il est l'auteur de La Bible? Il est présent partout où les gens le recherchent. Hein. Nous, voilà. Nous, en tout cas, on pense que... Est-ce que je peux me faire dédicacer La Bible, par Dieu, alors? Bah, c'est une bonne question, il faut lui demander à lui. Je pense que vous avez possibilité, comme toute personne, de lui en parler dans vos prières. Hein, et puis peut-être, peut-être qu'il vous répondra, on ne sait jamais. Donc j'ai l'impression qu'il se la raconte un peu, Dieu, parce qu'il n'est même pas venu dédicacer, alors que Marc Lévy, il est là. Hein. Oui, oui. Bah, écoutez, Marc Lévy est là, c'est bien, tant mieux pour lui. Hein, et, voilà, Dieu se réserve le droit de faire ses signatures là où il le souhaite. Eh bah, il a pris la confiance, Dieu, hein, à mon avis. Là. Bon, le gars, il fait les dédicaces où il veut, d'accord. D'ailleurs, s'il veut vraiment faire plaisir à quelques-uns de ses admirateurs, il peut aller au salon de la petite enfance. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je suis allé sur le stand de la maison d'édition catholique Salvador parce que je cherchais un livre. Est-ce que vous avez des livres sur l'éveil sexuel des enfants? Oui, on en a quelques-uns. C'est oui, vrai? Tout à fait. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bah oui, ça fait partie de l'existence aussi. Ça fait partie du catholicisme aussi en ce moment un petit peu. Oui, c'est vrai que bon, c'est vrai que cette question elle est abordée de manière un petit peu polémique sur des affaires difficiles. Hein. Bon, nous ne sommes pas en effet à l'abri, mais en même temps, il faut pas forcément tout faire reposer sur la responsabilité du christianisme et dire tout le temps qu'il est responsable des pires maux de la terre. Hein. Non, on ne dit pas ça du tout. Le christianisme n'est pas responsable des pires maux de la terre, hein, juste du massacre des peuples d'Amérique du Sud, des croisades sanglantes au Proche-Orient, de l'existence médiatique de Christine Boutin, donc ça va. Franchement, c'est pas si terrible que ça. Et puisqu'on parle de catastrophe, je me suis également rendu au stand du Figaro parce que je cherchais... Oui. Parce que je cherchais un autre bouquin. Moi, je cherche un livre sur les affaires de Serge Dassault. Est-ce que vous avez ça en stock? Bah, je pense pas. Je sais pas. Je sais même pas qu'il y avait des affaires chez Dassault. Oui, parce que vous lisez pas le livre, du coup. Non, moi, si, je lis, mais bon, je lis. Je fais de la littérature et de l'histoire. Ah oui, c'est vrai que Serge Dassault n'est pas encore dans les livres d'histoire, hein, mais ça ne saurait tarder. Cela dit, s'il lit le Figaro, il n'a aucune info. Mais non, c'est pour ça qu'il ne savait pas. On peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir. Mais bon, on fera une petite place à Serge, hein, entre Al Capone et Patrick Balkany, ça va le faire. Ou à côté de Vladimir Poutine, parce que figurez-vous que je cherchais aussi un livre sur Poutine. Alors je suis allé directement sur le stand du Centre Russe, qui est juste là, juste derrière. Et j'ai pu demander à un Français qui travaille là-bas, est-ce qu'il a des livres contre Poutine? Certainement. alors je ne connais pas tous les livres du stand, certainement. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites contre Poutine, ouais, il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Alors, lequel faudrait lire alors? Le livre anti-Poutine que vous avez? J'en ai jamais vraiment lu. Bah, bien sûr, on peut lire... Le nom m'échappe, c'est bien dommage. Vous avez oublié le nom du coup. Ouais. C'est ballot, mais c'est peut-être mieux pour toi si tu veux garder ton job ou tout simplement garder ta vie. Hein, c'est vrai que parfois c'est important. Et puisqu'on parle de rester en vie, eh bien retournons voir notre ami Pierre-Louis parce qu'il a aussi écrit un autre livre qui s'appelle « Ils méritent tous d'être pendus ». Alors qui se cache derrière ce « tous » ? Hollande en premier, Sarkozy en second, Chirac, je dirais lui, il a la place d'honneur mais il est déjà moribond. Donc Marine Le Pen. Non, Marine Le Pen propose des solutions pour le peuple. Marine Le Pen ne serait pas pendue. Non, je ne parlerai. Voilà, on a bien pigé où tu voulais en venir, hein, Pierre-Louis. Il veut pendre tout le monde et épargner Marine Le Pen. Vous voyez, comme disaient des proches, il y a quand même pas mal de gens qui ne disent pas que des conneries, hein, puisqu'ils en écrivent également. Merci Guillaume Meurice, en direct du Salon du Livre, sur France Inter, jusqu'à 18h, en compagnie d'Isabelle Alonso. On va parler, je vais citer l'hebdo Marianne, sa pétarade aux quatre coins de la planète, la rue gronde, l'état d'urgence rempile, les peuples s'abrutissent d'Hanouna, comme ça c'est pas moi qui le dis, c'est Marianne, et partout fleurissent petits cœurs, chatons mignons et poussinets gentils face à l'apocalypse, la fête à la guimauve bat son plein exemple. Des croquettes en sauce et un pâté particulier, et puis des croquettes sèches pour le poil, et des croquettes américaines qui s'appellent Young Female. Oui. Donc, elle choisit, mais elle mange très peu, et elle ne change pas de poil. Elle pèse tous les mois 3,5 kg. Les Vuitton, ils font des choses sur mesure. Karl Lagerfeld, dans l'émission Salut les Terriens sur Canal+, qui parle de son chat, Choupette. De sa chatte. De sa chatte, ouais. Oui. Choupette, qui, vous êtes bien informé, qui a écrit son livre, donc. C'est une rubrique de Marianne qui attire souvent notre attention, qui s'appelle « Quelle époque ?» On dirait mon grand-père. Sur la tyrannie du gnan-gnan. Alors, vous percevez, vous, Isabelle Alonso, cette niaiserie ambiante? Et est-ce qu'il y aurait un syndrome de l'époque à ce sujet avec les chatons, Angora, etc.? On parle beaucoup d'Internet. Alors, c'est vrai qu'entre, d'un côté, les lapidations en direct ou les décapitations comme si vous y étiez, on peut trouver un certain charme à aller regarder des petits chats trop mignons et puis des bouquets de fleurs et des petites roses. Maintenant, moi, la guimauve, c'est pas trop mon truc. J'ai peur que ça soit le paravent de choses un peu moins avouables. Vous préférez les exécutions? Tu vous avez 5 minutes pour on peut faire des exécutions de chatons. Ah oui, ça. C'est vrai que ça se fait. Il y a des chatons partout alors qu'on ne s'est jamais autant engueulé, c'est un petit peu l'idée. Mais alors, est-ce qu'il faut intellectualiser ça ou pas? Parce que Marianne intellectualise un petit peu en faisant appel à un philosophe qui dit que c'est une sorte d'esthétisation de l'impuissance. Parce que ces petits châteaux, etc., sont plus faibles physiquement et intellectuellement. Ce serait un symptôme de la culture capitaliste. Est-ce qu'il faut intellectualiser ça? Non, les intellos, il en faut, la preuve. C'est qu'ils s'expriment sur des trucs vachement importants. Mais on pourrait peut-être, après tout, réhabiliter l'art du cupcake et des chamallows. C'est bien d'être gnangnan, non? C'est ça. C'est l'illustration. C'est l'illustration de Marianne cette semaine que je vous encourage à lire. On peut lancer un appel. Mais vive le rose et l'insouciance et le côté un peu pouf-pouf, non? Mais voilà. Est-ce qu'il est pouf-pouf, Frédéric Fromet, à votre avis? Le plus grand amateur de chats sur Internet que je connaisse, c'est Frédéric Fromet lui-même. Le public est en délire, il n'attend que vous. Mais Frédéric Fromet. Il va mettre le jack et j'espère que le technicien va être meilleur que tout à l'heure pour lancer cette guitare. Oh, mais c'est pas le technicien. Oh là là, les musiciens, c'est à doigt. Mais moi, je dénonce. La responsabilité, c'est toute l'équipe. Mais bien sûr. Bien sûr. Frédéric Fromet, qu'est-ce que vous allez nous chanter? Par Benjamin Riquet, il faut le signaler. Pour ma part, je vais vous présenter un visiteur typique de cette grande foire dite littéraire. À force de courir après les signatures, j'ai eu celle de Marc Lévy, on dirait une rature. À force de courir après les selfies quelconques, où on ne voit que le chapeau très moche d'Amélie Nothomb, j'ai oublié les livres. J'ai oublié les livres. À force de s'entasser à la porte de Versailles, quand on voit fin février affluer le bétail, à force de chercher partout Mimi Mati pour voir si elle écrit vraiment en tout petit, j'ai oublié les livres, j'ai oublié les livres. Ah, vous voyez, vous aussi? Ça se passerait pas comme ça, hein, si tout le monde avait un e-book. T'as l'e-book, Coco. Coco, t'as l'e-book. T'as l'e-book, Coco. T'es pas un plouc avec un stylo. À force de faire la queue comme plein d'autres bolos, j'ai payé 12 euros à la Fnac, c'est gratos. À force de faire semblant d'avoir fait des études, de trouver passionnant le stand de la Corée du Sud, j'ai oublié les livres. J'ai oublié les livres. En direct du Salon du Livre sur France Inter. Merci à Isabelle Alonso. On n'oublie pas son livre. Je mourrai une autre fois. Édition Héloïse d'Ormesson. Et Isabelle Alonso qui va aller signer sur le stand Pocket là tout de suite. Merci à tous les amis. Merci Clara Dupont-Mono, Thomas Bideguin. Ouais. Oui, toi Guillaume Meurice, toi Isabelle Alonso, toi Alex Bizarrec. Mais à lundi. Frédéric Fromet, bien sûr, à lundi. Et vous attendez bien sûr tous le mot de la fin. Eh bien, le voici. Attention, mesdames et messieurs, le salon ferme ses portes. Vous êtes priés de passer en caisse.